L'alcoolémie atteint son maximum plus vite lorsque l'alcool est absorbé. À jeun, réponse A. Au cours d'un repas, réponse B.